Analyse du 23 septembre 2021 par Thierry Pirlo, Sherpa Wen. Sherpa 100% Cossette. De tous les alerteurs de la toile, c'est Alexis Cossette que je suis depuis 2018 et c'est grâce à lui que j'ai pu comprendre qui est réellement Trump en découvrant sa série Les Trumpologies 101 à 105. Beaucoup de complotistes de la 13e heure sont en adoration devant l'oncle Donald mais n'ont jamais fait réellement d'efforts pour le connaître, ni pour comprendre sa mission. C'est pourquoi, pour être en phase avec Alexis Cossette, il faut comprendre le scénario de l'histoire. Je m'explique. Il y a d'un côté le narratif d'une guerre en temps réel entre le Deep State et l'Alliance, et de l'autre, celui de Cossette et de Q, d'une guerre qui a déjà été gagnée en 2018. Nous sommes dans un grand film. Ce détail est d'une importance capitale pour la compréhension des événements présents et futurs, ainsi que pour celle du décryptage des révélations en cours depuis janvier 2021. En effet, même si une myriade de révélations a déjà eu lieu depuis 2016, il faut comprendre que, de janvier 2021 à juin 2021, nous étions dans l'opération Greenlight, divulguant des dizaines, voire des centaines d'informations et de révélations seulement accessibles aux réveillés. C'est le cas par exemple de la mascarade lors de la montée sur le trône de Biden, de l'infiltration gauchiste du Capitole, de la Maison Blanche se retrouvant vide, des mails de Fauci, etc. Beaucoup de révélations ont également eu lieu en France, puisqu'elle a été mise également sous le contrôle de l'armée durant le premier trimestre 2021. À partir de juin 2021, l'Alliance a enclenché l'opération Red Light, avec une augmentation crescendo des révélations, ayant pour objectif de réveiller l'entièreté du troupeau, et c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Nous entrons bientôt dans Octobre Rouge, que la plupart, moi-même y compris, voyaient déjà arriver en octobre 2020. On constate que ça bouge de plus en plus, que ce soit aux States, ou chez nous en France, ou encore en Belgique, la pomme pourrie au centre des institutions européennes. Je pense que la France, pays des fausses lumières et de la révolution franc-maçonne, sera probablement le détonateur pour ce qui arrive. Tout a commencé par la France et tout se terminera par elle. Pour comprendre que tout ce bordel n'est qu'un film génialissime, scénarisé et produit par l'Alliance et non la réalité, il faut revenir à Trump et à son périple de 2017, quand au nom de l'Alliance, il a repris les rênes de la destinée mondiale. D'abord en Arabie Saoudite, avec la fameuse danse du sabre, qu'il a exécutée pour symboliser sa mainmise sur la royauté wahhabite. Puis en Israël, par la reconnaissance de la capitale. Ensuite, au Vatican, devant un pape zombifié, galvanisé de peur, devant les mètres cubes de documents à charge sur la pédophilie pontificale et de l'Église romaine. À Londres, en laissant la reine marcher deux pas derrière lui et en s'installant dans le fauteuil de Churchill, ce que personne n'a osé faire depuis sa mort. Et encore à Bruxelles, où il a terrorisé tous les vassaux de l'OTAN en les menaçant des pires représailles s'ils ne participaient pas à l'effort de guerre pour l'OTAN à hauteur de 3% de leur PIB. Et enfin à Paris, où il s'est joué de Macron avant de lui expliquer la suite de l'histoire à la sauce Donald. Trump de l'Alliance a pris le contrôle complet de tous ses pays et gouvernements, de tous ses chefs d'État corrompus, et cela juste après avoir commencé à assécher son propre marais. L'Alliance a donc depuis 2018 le contrôle complet du Deep State et du narratif qui va avec. La guerre telle que nous la voyons n'a pas lieu, et des combats, si on peut les appeler ainsi, ne sont que des nettoyages de bunkers appartenant encore à l'ennemi, à des sous-niveaux fonctionnant en roue libre, comme la CIA et le Mossad, et à des bas niveaux, n'ayant plus de chef, mais continuant leur mission de manière désespérée, à l'instar de ce Japonais retrouvé dans les années 80 en pleine jungle de Bornéo et qui se croyait toujours au milieu de la Seconde Guerre mondiale. La compréhension des événements est donc radicalement différente suivant l'angle d'observation. Selon que l'on soit convaincu qu'une guerre à mort a lieu en temps réel entre le Deep State et l'Alliance, ou selon que l'on croit que le jeu est déjà game over pour la cabale mondialiste et prosélyte du modèle du Parti communiste chinois. C'est l'hypothèse défendue par Alexis Cossette, de par sa grande connaissance de l'histoire des USA et de son expertise S-conspiration datant de bien avant le Covid. Très sincèrement, je pense que personne en francophonie, ni même aux USA, ne lui arrive à la cheville. Ce mec est tout simplement hors norme. Toutes ses analyses sont un must et son niveau de compétence n'a d'égal que sa gentillesse. Je suis même prêt à parier qu'un jour ses vidéos pourraient devenir collector. Pour autant, il sait s'adapter et suit le narratif actuel sans trop insister sur cette thèse du grand film et de l'opération Q depuis les élections américaines, car il ne veut pas perdre en route une trop grande partie de la tribu de ses réseaux sociaux, laquelle le fait vivre par ses dons. En effet, expliquer cette hypothèse à des personnes dont le réveil n'a débuté qu'en mars 2021 est une tâche longue et compliquée, et beaucoup pourraient se détourner de lui par fainéantise intellectuelle pour suivre une version plus simple de l'histoire. C'est la même chose avec Léo des Décodeurs, qui suit à la lettre la trame QAnon, tout en continuant son narratif politiquement correct d'une guerre en temps réel. Cette version de l'histoire défendue par Alexis Cossette explique beaucoup de choses. En effet, si Trump les a tous à sa botte, cela veut dire que tous, mondialistes, kabbalistes, illuminati, francs-maçons de grandes loges, démocrates, socialistes et autres, responsables de ce génocide programmé, sont sans exception sous la menace et maintenus à leur poste pour exécuter à la virgule près ce qui était prévu initialement sur la feuille de route mondialiste d'avant 2018. Et cela jusqu'à ce que Donald et l'Alliance sifflent la fin de la récré. Pourquoi ? Eh bien, pour ne plus reproduire dans les années futures les erreurs du passé, pour rebâtir un monde nouveau, une nouvelle société basée sur l'humain et non plus sur l'argent et les rapports de pouvoir. Et quoi de mieux que de se rendre maître du jeu et de laisser le game se poursuivre avec des règles bien définies et un narratif sous contrôle, afin d'ouvrir les yeux non pas aux complotistes, mais à 7 milliards d'êtres humains. Pour ce faire, et vu que 90% du troupeau en est réduit à accepter de se faire picouser pour partir en vacances, l'Alliance a probablement l'intention de laisser se dérouler le narratif jusqu'au réveil complet, c'est-à-dire au constat du frigo vide, du blackout et de la déroute du modèle actuel, avant d'intervenir pour arrêter les frais. Ce que traduit l'expression de Naomi Klein, choc et effroi, ou celle de Q avec la somme de toutes les peurs. Deux formulations qui, si elles se concrétisent, seront à même de réveiller le révolutionnaire qui sommeille en chaque Gaulois réfractaire. Belge y compris. C'est la version des faits que j'ai comprise et qui me parle le plus, mais je ne l'impose en aucune manière. Dès lors, on comprend mieux l'histoire de la déclaration de Macron bis du 12 juillet dans les palais éphémères en lieu et place de l'Élysée, si ce dernier est mort ou du moins sous contrôle avec un pistolet sur la tempe. Idem pour Biden et sa clique, pour Netanyahou, la Merkel, la reine d'Angleterre, l'antipape François, etc. D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec l'histoire du retrait de l'armée à Kaboul. Il faut savoir que ce retrait était prévu pour le 11 septembre 2021. Les démons démocrates espéraient, dans leur scénario initial, fêter l'anniversaire du grand massacre des deux tours. Cet attentat démoniaque, symbole de leur toute-puissance, celle de l'État profond et de son entrée en guerre 20 ans plus tôt. Mais comme pour le reste, Trump en a décidé autrement, puisqu'il n'a jamais quitté le pouvoir en réalité et a précipité cette évacuation dès août 2021. J'ai une expérience militaire et je ne peux pas imaginer une seconde que l'une des plus grandes puissances du monde puisse se barrer de Kaboul, militaire en premier, en laissant derrière eux des familles entières d'Américains, de traducteurs, de logisticiens, etc. Impossible également pour moi de concevoir qu'ils puissent laisser derrière eux, pour 17 milliards d'équipements hautement stratégiques, sans les avoir détruits avant, avec de l'explosif C4 ou de la nanothermite. Notez bien le 17. Sauf, bien sûr, si tout cela avait pour but de faire place nette à des éléments militarisés de l'Alliance, soit des contractuels, soit une partie de l'armée régulière américaine, afin de neutraliser le fils du général Massoud et sa clique, qui, contrairement à son père, le lion du Panthère, travaille également pour la CIA et donc le Deep State. Général Massoud assassiné, faut-il le rappeler, le 9 septembre 2001, soit 2 jours avant la grande excuse du 11 septembre pour les Ricains d'investir l'Afghanistan, chose impossible avec un tel seigneur de la guerre dans les montagnes. Le général Miley est le responsable de ce fiasco de Kaboul, mais aussi de multiples faits de haute trahison envers Donald Trump, son chef à l'époque jusqu'en janvier 2020. On parle ici du général Mark Alexander Miley, chef d'état-major des armées des États-Unis de septembre 2019 à septembre 2023. De plus, ce général est un adepte du pédosadanisme et ses penchants pervers expliquent qu'il soit sous contrôle de l'Alliance au moins depuis 2018, voire peut-être avant son remplacement par un acteur de crise. En effet, tout ce qui arrive à ce brave et infortuné général n'est que le résultat de ce que l'Alliance lui a laissé faire, car il devait le faire initialement, sauf que ça lui explose aujourd'hui en pleine tronche et de manière intentionnelle pour participer au grand réveil. Ces échanges de mails avec ce général chinois ne sont pas non plus un hasard. Miley a toujours travaillé pour les démocrates d'avant Trump, mais à cette heure, on peut dire que ses bijoux de famille sont bien coincés dans un étau, tout comme son boss, le pédosénile Biden. Ou devrait-on dire le bidon Biden. Donc, la question n'est pas de savoir si Trump apprécie Miley ou pas, ou même s'il travaille en sous-marin pour Donald, puisque Miley est tout simplement aux ordres de l'Alliance. Ce général, tout officier qu'il est, aurait été condamné à la peine capitale pour haute trahison, tout comme le général McCain, ou encore la Clinton et Obama, via un tribunal militaire, s'ils n'avaient pas négocié avec l'Alliance, probablement la prison à vie à la fin du film. Il faut comprendre que l'Alliance est omniprésente et intervient à plusieurs niveaux. Il y a par exemple cette histoire de sous-marin français avec un contrat de 90 milliards de dollars passé entre des manufacturiers français et des acheteurs australiens pour des sous-marins de type diesel, contrat qui a été rompu par l'Australie sous la pression des USA. Mon analyse est que c'est à nouveau l'Alliance qui est derrière ce chantage, et cela probablement en représailles au rôle joué par la France pour sa contribution au nouvel ordre mondial mort-né, faut-il le rappeler. Dans cette histoire, il semble que les Australiens aient changé d'avis après que les plans des sous-marins diesel français aient malencontreusement fuité vers l'Indonésie, ce qui a instantanément refroidi l'ardeur des bouffeurs de kangourous quant à leur garantie de sécurité nationale. Les Australiens ont alors demandé à la France de leur livrer pour le même prix moins de sous-marins, mais en version nucléaire, ce que les Français ont refusé catégoriquement, et à raison étant donné que cette technologie est top secrète, tout comme celle des porte-avions nucléaires. On a le même scénario avec le contrat gigantesque de Rafale avec l'Allemagne, tombé à l'eau et qui vient de pencher en faveur des F-35 américains. Toute insinuation accusant la NSA, et donc l'Alliance, de ces fuites malheureuses ne serait que pure spéculation. Voilà donc mon ressenti, partagé avec celui d'Alexis Cossette, concernant cette fantastique histoire que nous vivons actuellement et qui est probablement une période décisive pour l'humanité. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. et rien ne peut stopper ce qui arrive. Sharpawan.